Tome 1, partie 2, chapitre 11, les funérailles de l'honneur. On n'est pas jugé que par ses pairs. L'issue plus qu'anormale de la rencontre qui venait d'avoir lieu entre le milliardaire Jean Robin et le comte de Charmeuse n'avait pas tardé à être connue dans Paris. Dans Paris, c'est-à-dire dans ce milieu tout à fait spécial qui n'est ni celui du commerce, ni celui des travailleurs, milieu aux élégances fausses, aux honorabilités louches si souvent, et dans lequel des hommes d'une impeccable probité, d'une respectabilité reconnue, coudoient des aventuriers aux antécédents bizarres, des joueurs de métier, des journalistes sans talent et même sans journal, des professionnels du chantage, des souteneurs de lettres ou d'autres choses, genre ragdoll. C'est le monde hybride et mêlé, très désœuvré et très surmené tout à la fois, étrange, curieux, au demeurant factice et fin de siècle, le monde des boulevards et des bureaux de rédaction, véritable halle aux nouvelles, la bourse des scandales, la foire aux potins. La reculade du comte de Charmeuse devant Jean Robin. Quelle nouvelle! Quel scandale! Et quel potin! Oh oui, un scandale inouï, énorme, et qui montait, montait, montait toujours. On discutait ferme sur cet incident où, pour parler plus exactement, on était du même avis pour déplorer l'attitude peu crâne du comte de Charmeuse sur le terrain. « C'est tout bonnement infect », déclaraient quelques braves garçons, célèbres aussi par leurs affaires d'honneur fréquentes le soir de 5 à 7, c'est-à-dire quelques vagues absinthes échangées avec ou sans résultat, et que, généralement et pour cause, ils laissaient à d'autres le soin de payer. Quelques-uns étaient notoirement connus pour avoir même encaissé, dans le bas des reins, de somptueux coups de botte. Mais le temps avait passé là-dessus, et maintenant, leur épiderme bien cicatrisé, tanné, faudrait-il dire, on ne savait plus trop, ou l'on feignait de ne plus savoir, tant est grande la veulerie ambiante, si ces coups de botte, ce n'étaient pas eux qui les avaient donnés. Oui, il y a toujours, comme ceux-là, déambulant de la Madeleine au gymnase et vice-versa, un tas de beaux messieurs calottés, giflés et crossés, qui se posent d'emblée en experts des affaires d'honneur. Ce sont des marchands, c'est la brocante, le décrochez-moi ça de la respectabilité. Ils tiennent boutique ouverte aux terrasses des cafés, et ces experts jurés donneront aux novices qui a, ou qui croient avoir, une affaire, l'appui de leur haute compétence en la matière. Mais la consultation se payera en cigu, même une simple thune. On descendra au besoin jusqu'au famélique, la rentequée, si les temps sont durs et le tapage difficile. Oh, par exemple, s'il s'agissait d'aller sur le terrain, comme témoin bien entendu, ces professionnels de l'honneur ne marcheraient pas à moins de 5 louis, éraqués d'avance. C'est pour les gants. Le déjeuner et la voiture sont en plus, comme on pense. On le voit d'ici, quelle vertueuse indignation suscita pour tout ce joli monde l'attitude inqualifiable du comte de Charmeuse. Il a canné devant le Yankee, quel pleutre! C'était leur conclusion. Par contre, la figure hautaine et froide, énigmatique comme celle d'un sphinx, de l'étonnant, de l'extraordinaire, de l'incompréhensible et déconcertant roi de la pierre, grandissait tout à coup de 100 000 coudées. Après le déménagement d'un palais, transporté comme par un coup de baguette magique à travers l'océan, après le million jeté dans l'aumônière d'une noble quêteuse pendant une fête de charité chez la baronne Gorgès, le fastueux Richard était devenu le lion du jour. Sa rencontre avec le comte faisait de lui quelque chose de plus surprenant, de plus formidable encore. Un colosse. Mais du boulevard, passons à la presse. Voilà un homme qu'il serait rudement chic de pouvoir interviewer, surtout dans un pareil moment, pensait Lourmont, le directeur de l'Oriflamme, journal bien pensant et bien pensé. Lourmont et son honorable organe défendaient le trône et l'autel, ce publiciste étant un des meilleurs soutiens, une des plus fermes colonnes de l'ordre social. La religion, la propriété, la famille et autres balançoires étaient journellement protégés par sa bonne plume de Tolède contre les attaques de certaines presses et de tous ces gens qui ne respectent rien. Entre les mains adroites de Lourmont, la famille, la propriété, la religion étaient d'un bon rendement. Ah, comme il savait les traire, ces braves, ces excellentes vaches à lait. Reçu dans le faubourg, dans les deux faubourgs même, Saint-Germain et Saint-Honoré, celui du blason et celui de l'argent, Lourmont ne transigeait jamais, lui non plus, en matière d'honneur, ou bien il fallait y mettre le prix. Nous aurons l'occasion de le revoir dans le cours de ce récit vécu. Jadis, en police correctionnelle, il avait eu à répondre de certaines indélicatesses et même de quelques abus de confiance, simples peccadilles de première ou de seconde jeunesse. Tout cela ne l'avait guère gêné. Il trouvait simplement qu'il y avait de par le monde des gens qui s'occupaient de ce qui ne les regardait pas. Il n'avait pu s'empêcher une fois d'aller sur le terrain avec un écrivain propre et qui, malgré cela, avait consenti à croiser le fer avec lui. Lourmont avait rompu un peu trop vite et surtout un peu trop loin. Il avait eu avec cela des paroles malheureuses. Et quel beau geste ! Au premier engagement, il était allé se blottir derrière le landau qu'il avait amené sur le terrain avec ses témoins. À la seconde reprise, il avait bravement empoigné avec sa main gauche l'épée de son adversaire pendant qu'il lui enfonçait la sienne entre les côtes. Cette botte secrète fut jugée sévèrement. On fit des mots durs sur son compte. « Ce diable de Lourmont, il faut toujours qu'il prenne quelque chose. » Mais le noble faubourg est plein d'indulgence pour les plumitifs qui font vœu d'être siens, fussent-ils d'anciens athées convertis. Et le monde de la finance est kiff. Les malheurs judiciaires de Lourmont furent vite oubliés et ses mésaventures sur le terrain excusées, mises peut-être sur le compte d'une folle témérité. C'est pourquoi une vertueuse indignation s'était emparée de lui quand, dès son arrivée au journal, son secrétaire de la rédaction l'avait mis au courant du fait du jour. « Quelle honte, mes amis, quelle honte ! Jeter le déshonneur sur un nom comme le sien, surtout à une époque où les passions mauvaises, qui fermentent dans les dessous de la société, menacent de tout submerger !» Il fit une pause, passant la main dans sa barbe soignée, arrangeant les plis de sa cravate à la dernière mode de 1830, tandis que ses collaborateurs, qui le connaissaient dans les coins, souriaient discrètement. « Oui, reprenait-il dogmatiquement, ce n'est que trop à prévoir, hélas. La mauvaise presse va s'emparer de ce fait, le dénaturer, le grossir, l'amplifier, afin de faire rejaillir sur toute une classe de la société respectable l'infamie d'un de ses membres. » Un conte de charmeuse, se conduire comme un... Il ne pouvait décemment dire comme un cochon. Il chercha le mot correct, ne le trouva pas, et craignit de dire une bêtise, comme cela lui arrivait souvent. C'est pourquoi il se contenta de finir par une vague lamentation. « Où allons-nous, mon Dieu, où allons-nous ? » Et, finalement... Il avait conclu de tout cet incident qu'une interview du roi de la pierre était tout indiquée. C'était un ragoût assez affriolant à mettre sous la dent des abonnés de l'Oriflamme, tous gens conservateurs, religieux, bien pensants, mais dont les sensations émoussées, les goûts blasés, les tendances quelque peu perverses, s'accommodaient de certains plats savamment relevés, comme Lourmont en cuisinait. Pas de pornographie, non, jamais. Pas même de choses lestes. On est chaste dans le monde de Tartuffe, de Basile, voire de monsieur le sénateur Béranger. On fait ses petits coups en sourdine, et la consigne est de ne jamais en parler. Péché caché, péché pardonné. Cette consigne de silence, Lourmont savait l'observer. Mais du scandale, à la bonne heure, à nous la pose. Lourmont donc expédia sur le champ Brinchal, son intervieweur en chef à l'hôtel du roi de la pierre. Brinchal, le roi du reportage, était un vieux brave homme devenu le complément indispensable de l'actualité. Pas d'événement tant soit peu digne d'attirer l'attention, grand incendie, mariage mondain, catastrophe de chemin de fer, arrivage de roi ou d'empereur, conspiration, début d'étoiles, naufrage de paquebot, sans qu'aussitôt Brinchal ne s'amenât avec son chapeau à bord plat et son carnet de notes à la main. Légèrement encombrant, plein d'exubérance, un tant soit peu naïf, Brinchal, quoiqu'il servît sous les ordres de Lourmont, était le plus honnête garçon du monde et un excellent père de famille, un turbineur. Il travaillait dans la copie, comme d'autres dans le meuble, l'horlogerie, le bâtiment. On ne choisit pas toujours son métier, on choisit encore moins le patron que l'on a. En arrivant à l'hôtel de Jean Robin, l'illustre Brinchal trouva quelques autres reporters installés dans l'antichambre, attendant le moment propice pour s'introduire auprès du maître de séance. Cela prouvait qu'un certain nombre de directeurs de journaux parisiens avaient songé à mettre sur leur carte ce plat du jour. L'endroit où ils attendaient n'était pas, à proprement parler, une antichambre. C'était quelque chose de plus et de mieux compris. On se rappelle que le palais de Jean Robin avait été construit par lui au-delà de l'Atlantique. Dans ce merveilleux pays, tout entier voué aux affaires, plein des idées de progrès, d'initiatives, de marche en avant, une part, une très grande part, est faite à la publicité. Or, la presse est aujourd'hui la grande, sinon la seule dispensatrice de la publicité. La publicité, c'est-à-dire la renommée au sans-bouche, suivant l'allégorie des anciens. Et justement, une mosaïque précieuse dans la grande salle où se tenaient les reporters représentait cette renommée allégorique. Au mur, des tapisseries des gobelins, des marbres divinement ciselés dans des niches, des bronzes exquis sur des socles de porphyre et d'onyx, des vitraux comme on n'en voit que dans les vieilles cathédrales, des tables de travail style empire avec dessus tout ce qu'il faut pour écrire, même les dernières perfections en fait de machines américaines destinées à remplacer le porte-plume devenu vieillot. Pour papier, le plus fin Hollande recherché par les amateurs de calligraphie. Dans des casiers, les encyclopédies et les livres de vulgarisation, providence des journalistes à court de copie. Le téléphone partout. Des caisses de cigares, les meilleures marques de la Havane et de Manille. Des cigarettes turques, sans oublier le narguilé qui berce de rêves charmants et la pipe d'opium où s'endort la béatitude des disciples de Confucius et de Bouddha. Et des liqueurs, toute la gamme de ce qui se boit, depuis l'absinthe de Pontarlier et le vermouth di Torino, jusqu'au raki des îles grecques et au savant mélange des boissons yankees, sherry glauber, cocktail, etc. Un paradis pour les intrépides vide-bouteilles de la presse. Car il y en a, au-delà de l'Amérique, ou même en deçà, je vous jure. Brinchal demeura littéralement pétrifié d'admiration, comme toujours, devant ce sanctuaire. « C'est sardanapalesque !» fit-il en entrant, accueilli par les hommages discrets des jeunes reporters, qui se considéraient un peu comme des sous-lieutenants devant un maréchal de France, du respect pour le grade acquis, mitigé d'un certain mépris pour le ramollissement cérébral qu'il blaguait. Dame, faut bien. Comment ? Vous ne savez pas, mon cher Brinchal, c'est la salle de presse dans laquelle le roi de la pierre recevait là-bas, en Amérique, les représentants du Herald, du Star, du Sun, de l'Evening Standard. Ah, nos confrères transatlantiques ont plus de veine que nous. Quand ils viennent interviewer un type, ils sont au moins nourris et abreuvés, car il y a des sandwichs et des consommations à l'œil. C'était dit par un jeune homme imberbe, blond filasse, à la figure fatiguée et vicieuse, Edgar Ledoux, la môme Ledoux, comme disaient ses confrères, par une allusion à sa voix, à ses manières efféminées. Il courait des légendes bizarres sur son compte. Un autre, au nez crochu et aux oreilles en entonnoir, à l'aspect faux, lâche et famélique, s'était déjà précipité sur le buffet derrière lequel se tenait un correct maître d'hôtel, et il s'envoyait force sandwich avec la voracité d'un échappé du radeau de la Méduse. C'était Alphonse David, reporter occasionnel, partout où l'on voulait bien employer ses facultés ondoyantes et ses talents divers. Plein du bon garçonnisme contemporain, c'est-à-dire d'une parfaite veulerie, lécheur et lâcheur suivant le cas, on l'appelait, sur le boulevard et dans les caboulots de la butte, David les Esgourdes. Un huissier entra dans le salon de la presse, un huissier en habit à la française, avec la chaîne d'argent et la canne d'ébène, un huissier superbe, correct et solennel. Il s'inclina de façon circulaire, pleine de déférence et de dignité, devant les membres de la grande et illustrissime presse parisienne réunie là, et leur dit « Monsieur regrette infiniment de ne pouvoir recevoir ces messieurs. » Brachal s'avança de rif et d'autor. « Voyons, mon ami, fit-il avec une certaine bonhomie indulgente, votre patron fera certainement exception pour moi, Brinchal, rédacteur à l'Oriflamme, vous savez bien. » L'huissier salua le journaliste épatant avec la déférence qu'on devait à une très grosse légume, dont la réputation était universelle, mais il fut pourtant inflexible. « J'ai l'extrême regret de dire à M. Brinchal lui-même que M. Robin est dans l'absolue impossibilité de le recevoir. » Et, à nouveau, il salua d'une inclinaison de tête ces messieurs de la presse. L'huissier ajouta, d'une façon de plus en plus catégorique, « Du reste, monsieur ne peut recevoir personne, absolument personne. »« Ça, je le comprends, » fit avec sa voix de fille l'étrange journaleux que ses collègues appelaient le môme le doux, après des émotions comme celle de ce matin. « Le fait est, » approuva Brinchal avec son air important. David les Esgourdes s'était rapproché, enfin gavé, et il murmura à mi-voix, fielleux et mielleux, « On dit que le comte de Charmeuse, qui avait de grands embarras d'argent, a reçu de Jean Robin la forte somme pour lui faire de plates excuses. C'est très yankee. Non seulement time is money, mais encore honor is money. Dame, quand on est milliardaire, on peut se payer la vertu d'une femme ou l'honneur d'un homme à son choix. Il n'y a qu'à y mettre le prix. » Le son d'une cloche retentit dans la cour d'honneur. Une voiture roulait sur les dalles. Elle s'arrêta devant le perron de marbre. L'huissier s'était retiré, mais en s'en allant, il avait laissé entr'ouverte une porte qui donnait sur le grand escalier. Seule une lourde tenture, aux crépines de soie et d'or, en dissimulait la vue aux personnes réunies dans la salle de la presse. Entendant quelqu'un qui montait, Edgar Ledoux, curieux comme une fille, colla son œil dans l'ouverture des draperies. Au bout d'un moment, il revint auprès du gros Brinchal et d'Alphonse David. « Ah, mes amis, on ne perd pas son temps à faire le voyeur dans cette boîte. N'en v'là d'une. Qu'est-ce qu'il y a ?» firent les autres en chœur. Ils savaient leurs confrères très rosses, vicieux en diable, et bien capables d'avoir fait une découverte à sensation qu'il garderait pour lui, pas bête. « Voyons, mon petit Ledoux, » fit Brinchal, « qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que ça en vaut réellement la peine ? Au besoin, je vous intéresserai, vous savez. » Lourmont n'est pas trop regardant avec moi sur les comptes de ligne quand il s'agit d'un fait divers. Il n'osait pas dire scandaleux. Il se contenta de prononcer tout bas le mot sensationnel. Ledoux se montra familier vis-à-vis du maréchal des reporters. Les filles n'ont qu'un respect très limité pour la hiérarchie. Je te crois, fit-il, que c'est sensationnel. C'est une femme qui vient de monter chez Jean Robin. « Qu'est-ce que ça prouve ?» fit Brinchal. « Les circonstances n'excluent pas les sentiments, au contraire. »« Surtout quand on est un milliardaire, » observa David les Esgourdes, crevant d'envie et d'indignation. « Et puis, » reprit Brinchal, « j'ai remarqué que toutes les fois que l'on y est pour personne, en général, c'est que l'on y est pour une personne en particulier, » dit Ledoux en mettant un doigt sur sa bouche. Et il ajouta, « Chut. « Allons-nous-en, je vous dirai tout. » Et quand on eut franchi la porte cochère, le reporter androgyne continua. C'était une femme voilée qui entrait chez Jean Robin. Mais j'ai des yeux de lynx, et malgré son épaisse voilette, j'ai bien reconnu, moi, quelle était cette femme. C'était, firent simultanément les autres, c'était Madame la Comtesse de Charmeuse, répondit Ledoux. David les Esgourdes prononça sur un ton admiratif cette phrase. Moi, je ne m'épate de rien, mais tout de même, celle-là est un peu forte de calibre, même venant de Ledoux. Où allons-nous, ô tempora, ô mores ? Fit d'un air sincèrement désolé le brave Brinchal, qui répétait inconsciemment les pensées et maximes de sa royale crapule de patron. Et les bons journalistes se séparèrent pour aller colporter la news dans les bureaux de rédaction à la Halopotin. L'honneur de monsieur le comte René de Charmeuse était mort et enterré par les croque-morts de la presse et du boulevard. Requiescat in pace.